L'inspecteur McPewitt par Henry Falk. J'ai pour ami M. Jules Phileas, qui est un policier charmant, la trentaine, gentil garçon, bien élevé, bien habillé. Comme on est loin aujourd'hui de la tête cubique à brosse vacante, du pantalon en tournevis et de la puissante chaussure à clous. M. Jules Phileas, avec qui le destin me donne de boire quelquefois une menthe verte, connaît beaucoup d'histoires, me les déduit, même secrètes, car il a éprouvé ma parfaite discrétion, et m'autorise courtoisement à les divulguer quand rien ne s'y oppose. Ce soir-là, il me dit « Faites ce que vous voudrez de ce que je vais vous apprendre. L'affaire est classée et pour cause. Mais on ose encore l'avouer, c'est trop frais. Vu que je m'en tire à mon honneur professionnel, je vous la raconte en évitant seulement de prononcer les noms véritables. Il est probable que vous les devinerez. Je vous demande de les garder pour vous. » Alléché, je ne manquais point de donner mon accord à Jules Phileas qui poursuivit. Vous avez lu, il y a quelque 3 mois, qu'un grand poète, très fin lettré, avait été trouvé dans sa jolie villa de banlieue, tué d'une balle en plein cerveau. « Je pense bien, m'écriai-je, il s'agit de Jacques Langrune. Vous y êtes, » fit Jules Phileas. On avait trouvé sur son bureau une lettre évidemment écrite pour faire conclure au suicide. L'écriture ressemblait à celle de la victime. « N'accusez personne de ma mort, bourré de fautes, nous fûmes édifiés, n'est-ce pas ?» La pauvre ruse d'un assassin illettré crevait les yeux. J'eus l'honneur d'être désigné par mon chef de district pour entamer l'enquête. À première vue, on pouvait supposer que ce crime, crapuleux, j'eus tôt fait de découvrir le vol de bijoux et d'argent qu'il expliquait, que ce crime, dis-je, était l'œuvre d'un familier du poète, connaissant son écriture. Mais cette écriture était fort répandue de par la publication d'autographes publicitaires et autres. J'arrivais à repérer les traces de l'assassin à travers l'immeuble et le jardin, à relever ses empreintes digitales. Je poussais mes recherches, je fouillais toutes les probabilités. J'avais fait, à vrai dire, une constatation extrêmement intéressante, et que je gardais jalousement pour moi. Mais 8 jours passèrent et je n'avais pas encore découvert le coupable. C'est alors que mon chef de district me convoqua. L'affaire, me dit-il, fait du bruit vu la renommée de la victime. On nous reproche de piétiner. Mon pauvre Phileas, des ordres venus d'en haut m'obligent à vous dessaisir en faveur de l'un de vos éminents collègues. Pas un mot de plus, chef, m'écriai-je. J'ai deviné. Il s'agit de l'inspecteur Pewitt. Jules Phileas se tut et reprit. J'ai transformé son nom à votre usage. « Ah, monsieur, dans notre métier comme ailleurs, il y a ceux qui font leur boulot avec conscience et modestie, puis il y a les épateurs, les bluffeurs, les matuvus. » L'inspecteur McPewitt est du nombre, un gros rougeau, beau parleur, autoritaire, tranchant, du « comptez sur moi », ayant traversé l'Atlantique et déclarant « je vais vous mener la chose à l'américaine », pipe aux lèvres naturellement, complète de golf à gros carreaux. « Moi, monsieur, j'appelle ce genre-là du détective de cinéma. Vous dirai-je que je fus convoqué, un soir, en même temps que lui, quai des Orfèvres, et qu'on m'invita gentiment d'ailleurs, à lui fournir mes premiers éléments d'enquête. Correct à mon ordinaire, je dis ce que je savais, à part, bien entendu, certains petits détails. » Il m'écouta d'un air goguenard, puis il déclara « Mon cher, voilà bien des palabres, je vais vous mener la chose à l'américaine. » Il bourra sa pipe, descendit l'escalier, 4 à 4, sauta pour impressionner le monde dans une voiture grand sport, dont il oublia d'allumer les lumières, démarra, fila en bolide sur le quai, renversa sans même s'en apercevoir un homme qui traversait la chaussée et disparut dans la nuit. Des agents s'en furent ramassés l'accidenté, autour duquel un rassemblement discutait. Je ne me fis pas faute de crier qu'on devait inculper McPewitt du délit de fuite, sans compter le crime d'homicide. Après quoi, assez dégoûté, je rentrai chez moi. Le lendemain, j'appris par mon chef de district que l'homme de la veille était mort. Un inconnu, d'ailleurs. On n'avait trouvé sur lui aucune pièce d'identité. Bien entendu, on étouffait l'incident. Ce n'était pas au moment où mon éminent collègue venait de téléphoner qu'il était sur la piste de l'assassin qu'on allait lui faire des ennuis. Moi, j'attendais bouche close. Évidemment, S'il dénouait l'affaire, c'était un grand type. Tous les jours, j'apprenais par mon chef de district que là-bas, la culotte à carreaux déclarait « Demain, je vous aurai du nouveau ». Ça commence à sentir le fameux « demain » du célèbre coiffeur. Enfin, n'est-ce pas? On ne sait jamais. Au bout de 8 jours, Mac Pewitt, malgré ses airs pharaux, n'était pas plus avancé. Il avait beau, en sortant de la préfecture, faire dans son auto de sport des démarrages du diable. À l'intérieur, devant les grands chefs, il était bien obligé d'avouer qu'il n'en savait pas plus que le petit Phileas. Mais voilà, son sacré bagou. Et puis le souvenir de quelques affaires où il avait, par chance, jeté de la poudre aux yeux. On continuait de lui faire confiance, de lui accorder tout ce qu'il demandait. Un avion spécial pour aller à Madrid, une semaine de séjour à Londres, de quoi draguer la Seine sur 4 kilomètres, un peloton de gendarmes à cheval et à moto, pour cerner le meurtrier qui se cachait sensiblement dans les boîtes de ville d'Avray. Mac Pewitt criait, suait, soufflait, expulsait de sa pipe des torrents de fumée et ne retrouvait toujours pas l'assassin. 3 semaines s'étaient écoulées. Il perdait, malgré sa faconde, l'oreille des grands chefs. Il répétait encore « Ne vous inquiétez pas, l'étau se resserre, je le tiens !» Que moi je murmurais déjà. « Mac Pewitt, c'est moi qui te tiens. » Voyez un peu, monsieur, les hasards de la vie. C'est en causant avec l'employé d'un bistrot, non loin du pont Saint-Michel, que j'eus une illumination. Vous vous rappelez que j'avais fait, dès le début de mon enquête, une constatation fort intéressante sur les lieux mêmes. Je vais maintenant vous dire laquelle. J'avais remarqué que les empreintes digitales d'une main droite, extrêmement nettes, sur un plateau de nickel, étaient au nombre non de 5, mais de 4. Il y manquait celle du Médius. Or, ce que le garçon de café venait de me révéler par hasard était d'un intérêt à me faire battre le cœur. Mais pour vérifier que j'étais sur la bonne voie, il me fallait obtenir un permis d'exhumation. Vous allez comprendre. 2 jours après, rayonnant, j'entrais chez mon chef de district. « Chef, l'énigme est résolue. J'ai trouvé l'assassin de Langrune. » Quand je lui eus tout dit, il m'entraîna quai des Orfèvres. « Petit, tu as été à la peine, il faut que tu sois à l'honneur. » Et devant le gratin de nos officiels, devant Mac Pewitt lui-même, j'exposai simplement « Mon éminent collègue peut courir toute sa vie après l'assassin, il ne le trouvera jamais car c'est lui-même qui l'a tué. » Stupeur générale, je poursuis. En effet, l'assassin n'est autre que l'individu si brillamment écrasé par lui il y a près d'un mois sur le quai des Orfèvres. Et voici mes preuves. D'une part, le criminel a laissé 4 empreintes digitales droites, celle du Médius manquant. D'autre part, le cadavre de l'accidenté, exhumé par mes soins, ne montre que 4 doigts à la main droite. C'est ce détail révélateur que m'avait signalé le garçon de café témoin de l'accident. 4 doigts, dont les empreintes sont celles mêmes que j'ai relevées dans la villa. J'ai pu identifier ainsi un interdit de séjour, ancien domestique chez Langrune. Si vous aviez vu la tête de mon éminent collègue, il a croulé sous le ridicule. Il est désormais le seul détective du monde ayant tué sans le savoir le criminel qu'il était chargé de retrouver. J'ai gagné à l'affaire une prime et de l'avancement. Avouez que c'était un peu mérité. J'acquiesçais de tout mon cœur, au-dessus du parfum renouvelé d'une menthe verte. C'était l'inspecteur Mac Pewitt par Henri Falque.